3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et ouais, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous connaissez la formule habituelle, on n'est pas avec le décor habituel, on n'est pas avec la technique habituelle, donc on s'excuse pour la gêne occasionnée par rapport aux ces petits soucis techniques pour l'enregistrement de l'épisode de la semaine. On est sur KNFTV, ça bouge pas, Have a Knicks Week, ça bouge pas, je suis toujours avec mon ami Choubix. Ça bouge pas. Salut Seb, comment tu vas? Salut Joanny. Écoute, comme une semaine étrange et plutôt et difficile. Voilà, plutôt difficile, voilà. À plein de niveaux, mais on est quand même là parce que les Knicks, ça nous fait tenir. Et la fin de la saison régulière arrive bientôt. Allez, il y a plus de matchs à jouer. Tu vois, enfin les playoffs. On aurait été qualifié directement en play-off depuis une seule ou deux semaines, on s'ennuierait. Là, tu vois, il faut durer le suspense. C'est le drama new-yorkais, quoi. C'est comme ça, tu vois. Faut tenir en haleine les gens. C'est Sonics. Allez, on perd pas plus de temps. On lance le programme avec le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de choses, des bonnes, des moins bonnes. On va parler de tout ça. Allez, c'est parti, j'envoie le jingle. Alors oui, des moins bonnes choses. Si aujourd'hui j'ai sorti le t-shirt des champions de 70, c'est parce qu'il y a un champion qui nous a quittés. Triste nouvelle qu'on a appris en début de semaine, dans la nuit de mardi à mercredi, enfin je ne sais plus exactement, j'avoue que je l'ai appris moi un petit peu en décalage. Mais donc on a appris la disparition de Willis Reed, le capitaine. Le champion, double champion, MVP des finals, deux fois, MVP de saison régulière, rookie de l'année, le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir remporté le titre de MVP de All-Star Game, MVP de régulière et MVP des NBA Finals, c'est Willis Reed. Donc ça, faut s'en rappeler, c'est pas Michael Jordan, c'est pas Shaquille O'Neal. Eux, ils ont attendu un petit peu. Le tout premier de l'histoire à faire ce grand chelem, c'est bien Willis Reed, c'est bien un joueur des Knicks. Voilà, 80 ans. Il ne faisait pas partie des quelques commémorations qui ont eu lieu il y a quelques semaines là, pour fêter les 50e anniversaire du titre. Sa santé était déjà un petit peu déclinante. NBA 75, bien sûr. NBA 50, déjà. Willis Reed, c'est une légende. C'est une légende des Knicks, forcément. C'est le tout premier joueur à avoir son numéro être retiré au Garden. Madison Square Garden. Donc ça, c'est une performance aussi, parce qu'on sait que c'est difficile de faire retirer son numéro. Voilà, c'est forcément une période triste. Il y a eu beaucoup d'hommages, beaucoup de personnalités autour de la planète Knicks qui se sont exprimées. Bien sûr, il y a ce match de légende, le Willis Reed Game, match 7 des NBA Finals 70, où un petit peu contre toute attente, Willis Reed, qui était blessé et forfait lors du match 5 des finales, finalement revient, fait son comeback dans une façon un petit peu spectaculaire comme les Américains adorent avec le storytelling. Et il impulse ce supplément d'âme auprès de ses coéquipiers pour renverser les Los Angeles Lakers de Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Jerry West et obtenir le tout premier titre de l'histoire de la franchise des Knicks. Une légende qui nous quitte. Forcément, il y a de la tristesse cette semaine. Toi, Seb, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as à dire sur Willis Reed et sur sa disparition? C'est vrai que quand l'info est tombée, c'est un petit peu le choc parce que il n'y avait pas grand-chose qui était sorti dans les médias sur son état de santé. Après voilà, on l'avait vu au niveau des images, hein, il avait quand même vachement maigri et compagnie. Willis Reed, pour moi, voilà, c'est la figure iconique des Knicks des années 70, des Knicks victorieux. C'est un joueur qui est extrêmement sous-estimé, je trouve, Oui. au point de vue de l'histoire de la NBA. Alors, en effet, il n'a pas eu une immense carrière. Il n'a pas fait 15 ans ou 20 ans dans la ligue, parce que aussi les carrières, peut-être qu'à l'époque, étaient un peu comme ça. Mais il a eu un impact immédiat sur la franchise. Et comme tu l'as rappelé, l'image où il rentre en mode guerrier, tout ça, il marquera que, je crois, que 2 points sur le match, mais il arrivera à Quatre, contenir. enfin, il met les deux premiers paniers de la rencontre Voilà. et derrière, Et ne marque plus. il arrivera à contenir un petit peu Will Chamberlain. Voilà, c'est un joueur, beaucoup de gens en fait assimilent l'Enix à Patty Wing parce que c'est de la mémoire fraîche, entre guillemets, qui veut ça. Mais Willis Reed, c'est en effet, Patty Wing a les records, mais Willis Reed a l'âme en fait de cette équipe, de cette franchise, Le de cette palmarès. ville. Le Voilà. palmarès. Donc c'est une immense perte parce que c'est une légende, c'est une légende de la franchise, tout simplement. Donc voilà, paix à son âme, soutien à la famille dans ce moment difficile, et puis Willis Reed a tout jamais dans les mémoires de toute façon. Oui, il restera dans les mémoires, c'est certain. Ça n'a jamais le premier à être le champion. D'ailleurs, on vous invite à retrouver l'épisode qu'on avait consacré de la série We Got Game la saison dernière sur le Willis Reed Game, qui pourrait aussi s'assimiler à un Walt Frazier Game, parce que c'est une aussi très grosse performance individuelle de Walt Frazier sur ce Game 7 des finales. Mais voilà, ça reste dans les mémoires et dans l'histoire comme le Ah mais match de Willis Reed. l'axe 1-5 était monstrueux. Ah, complètement, complètement. Et une carrière malheureusement freinée par les blessures qui s'est arrêtée assez vite. Un joueur qui a été quand même drafté au second tour. Alors c'était une autre époque, il y avait moins de franchises, il y avait moins de joueurs sélectionnés, mais un joueur qui a été sélectionné au second tour et qui est du coup le premier joueur du second tour de l'histoire de la NBA à être élu rookie de l'année. On peut appeler ça un style de draft. On peut appeler ça un style de draft. Il aurait très bien pu finir au Boston Celtics de Red Auerbach, mais finalement non, c'est les Knicks qui ont parié sur ce Willis et on peut dire qu'il aura bien rendu le Willis à la L'image, franchise des Knicks. moi l'image, à chaque fois quand je le vois jouer, ça me fait marrer dans le sens où c'était une autre époque où avec la chaîne autour du cou, La chaîne en or qui brille. Tout à fait. ouais, Et puis donc. un pivot petit. Qui avait quand même de beaux bolosses en face. On pense à Kareem Abdul-Jabbar, on pense à Will Chamberlain, Wes Unseld. Après, c'était une belle masse physique aussi, hein. Ouais. Le Tant qu'est pépère. le garçon, quoi. Mais voilà, Willis Reed, bah, une pensée pour lui. Forcément, c'est une peine par laquelle cette semaine a commencé. On avait eu l'occasion, il y a quelques temps déjà, de consacrer un épisode de l'épisode, enfin du podcast audio. The Knicks épisode sur un spécial GOAT où on avait évoqué forcément Patrick Ewing, Walt Frazier, Willis Reed. Est-ce que Willis Reed, c'est le GOAT des Knicks? Il y a le côté affectif qui va pour Patrick Ewing, mais il y a le palmarès, il y a les D'un titres de côté, pas mal, champion, soit. il y a les titres de MVP de la Ligue des finales pour Willis Reed. Donc voilà, on vous laisse nous dire en Après, commentaire ce que vous pensez. c'est une toute autre époque, c'est un tout autre jeu. Tout à Mais fait. pour les Knicks de cette époque, se tailler une place au milieu des Boston Celtics et des Lakers, c'était quand même une énorme prouesse, quoi. Surtout qu'ils font 3 finales, dont 2 victorieuses. C'est une immense prouesse. Donc c'est vrai que Willis Reed est obligatoirement dans le top 2, en fait. C'est dans le top 2, à voir si chacun le met un ou deux. Mais évidemment que Willis Reed, en fait, il est tout là-haut, quoi, dans cette franchise, dans l'histoire de cette franchise, quoi. Et maintenant, il est tout là-haut. Voilà. Bon, sans aucune transition, la semaine démarrait mal. Il y avait pour autant des éléments plus. Voilà, fêter son anniversaire, pardon, en ce début de semaine. Il aurait bien aimé avoir une petite victoire. Un peu loupé, hein. Un petit peu loupé cette semaine pour le fan numéro 1 des Knicks. Bon, transition également, une semaine qui démarrait pas trop mal avec Josh Hart. Josh Hart, on l'a dit, l'adoption, l'intégration à New York se fait très bien. Et pour se faire aussi bien, bah, le gars, il arrive tout simplement au stade avec un maillot des New York Yankees. Alors, on se dit, bon, ok, c'est le côté swag, facile. Mais non, non, il y avait une petite histoire derrière tout ça et c'est une petite anecdote sympa puisque, effectivement, l'oncle de Josh Hart était un ancien joueur des Yankees. Comme quoi, le monde est petit et... heureusement qu'il n'a pas joué avec Donovan Mitchell, parce que je crois que c'est son père qui a joué aux Mets. Alors, son père a travaillé en tout cas dans la, voilà, travail pour dans la franchise des Mets. C'est pour ça qu'il est fan des Mets. Donc, c'est vrai que Yankees-Mets, c'est... Ah, il y a une sorte de petit derby local, parce qu'il y a beaucoup d'équipes sportives c'est un à peu New York. Comme, c'est un peu comme Mets. Mais après, les Mets, c'est... bon, c'est les couleurs des Knicks. Ah, j'ai une petite préférence pour les Yankees, mais bon. C'est un peu plus iconique, on va dire, effectivement. Allez, on continue avec les bonnes news, on va dire. Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qui s'était plaint la semaine dernière dans les réseaux de son utilisation offensive un petit peu en dessous de ce qu'il aimerait être. Mitchell Robinson, il a tout simplement battu un record, enfin batteur encore. Non, il a monté dans les rankings all-time. Il est désormais le numéro 2 des meilleurs contreurs de l'histoire des Knicks. Ouais, mais c'est pas rien. C'est pas rien, ça montre que voilà, il y a un petit peu de présence défensive, un petit peu de présence dans le temps. Bien sûr. C'est déjà ça de prix. Hein, parce qu'en plus, c'est quoi, ça fait 5 ans qu'il joue avec nous, qu'il joue 5 saisons, oui. Ça fait 5 saisons, 5 saisons, il est déjà deuxième. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il va falloir qu'il reste encore quelques années. Ah, sachant que, qu'il a été blessé, assez souvent, il fait pas des saisons à 82 matchs. Donc, je veux dire, au ratio, je pense qu'il met quand même pas mal de belles gifles dans la raquette chaque soir, si on fait le compte, quoi. Tout à fait. Il renvoie pas mal de ballons à l'envoyeur. Il va falloir rester dans cette ligue, il va rester au Knicks, il va pas falloir se baisser trop. Numéro 1, c'est qui? C'est notre bon vieux Patrick Ewing. Donc, on vérifiera les moyennes en carrière par match. On va vérifier. Mais bon, petit accomplissement, petit... nom qui s'inscrit dans les livres des records d'Enix. Un autre qui a fait fort en ce début de semaine, on a eu du bon, on a eu du moins bon. Là, c'était du bon, ça démarrait pas trop mal à titre individuel pour Julius Randle. Oui, oui, oui, le numéro 30, qui fait tout simplement une perf au scoring assez exceptionnelle, malheureusement, dans une défaite. 57 points, c'est pas rien. C'est la troisième marque all-time d'un Knicks. Derrière les 62 points de Carmelo Anthony, derrière les 60 points de qui? Bébert Bernard King, et là 57 points, donc troisième meilleur scoring sur un match, cinquième meilleure performance au Madison Square Garden. On avait eu James Harden et Kobe Bryant qui nous avaient tous les deux mis 61 points. Voilà, alors on avait des défenses un peu très très belles perf. Record bien sûr en carrière, malheureusement dans une défaite, malheureusement 57 points plutôt on va dire déclinant sur la fin du match. Il y aurait eu une prolongation, il aurait peut-être pu aller battre le record de Melo. Bon, Julius, il était on fire en ce début de semaine. Ouais, et puis il a fait un troisième carton de feu, mais le quatrième était forcément, il était un peu fatigué. Ça a été la première fois cette saison que quand un joueur marque plus de 45 points, l'équipe perd. Bon, ça tombe sur nous. Ça tombe sur nous. Bon, ben voilà. Mais il nous a tenu. Il nous a tenu pendant tout ce match. Je veux dire, il a vu le cercle comme une bassine, quoi. Il aurait pu faire dans le troisième quart, il aurait pu faire n'importe quoi. Je pense. Le ballon en arrière, ça rentrait, enfin, c'était incroyable. Il est arrivé là, donc tenir en vie. Ben voilà, faut pas demander à un mec dont l'attaque repose entièrement sur ses épaules à la fin de jour. Il a fatigué sur ce match, peut-être pas sur les trois matchs, mais en tout cas, il a fait ce qu'il a pu sur ce match. Et ça passe, oui, c'est malheureusement. C'est comme ça, mais la performance, mais elle serait restée, elle, elle serait restée dans les mémoires si on avait gagné là sur la défaite. Je t'avouerais que c'est bien, ok. Enfin, moi, ça, si tu veux, j'ai pas. C'est 57 points, ok. Mais moi, j'aurais préféré 32 et la victoire, tu vois. Et Forcément. donc, je sais que ça va paraître un peu hérétique ce que je vais raconter, mais en fait, les 57 points, je m'en fous un peu. Enfin, c'est ok, c'est bien, mais si tu as personne qui suit derrière, on a une hiérarchie catastrophique. On a... Et c'est pour ça que tout est reposé sur lui. Alors, moi, je veux bien qu'on lui tape après dessus à juste titre sur certains aspects. On ne peut pas le critiquer sur son talent, parce que le talent, il le prouve en fait. Il prouve qu'il peut marquer sur n'importe qui, à n'importe quand. Mais par moment, en fait, il se retrouve au scoring un peu trop esseulé, surtout sans JB ou avec un petit JB. Bon, ben voilà, mais la performance, évidemment, est énorme. 57 points, ce n'est pas tous les jours qu'un joueur l'étape, quoi. Donc, félicitations à lui, mais enfin, ça restera pas un match qui va je m'en rappellerai parce qu'évidemment, voilà, mais c'est pas le match numéro un, c'est pas. Fin... Non, bien sûr, les 62 points de Melo dans une victoire face au Bobcat pour ses talents offensifs, ben, reste plus dans Bon, les enfin, mémoires que ces et 57. là, les Timberwolves, ils jouaient sans, ben, sans Edwards, 104, ouais. Karl-Anthony Towns, sans Edwards. Je veux dire, l'équipe a été pas dingue, quoi. Tu vois, tu Ouais. parles des Bobcats de l'époque On de Melo. va revenir On en sur le match, reparlera. mais c'était un match un peu Ouais. improbable et ces 57 points sont un petit peu improbables, malheureusement, dans une défaite. Il faut se rappeler que le record de Bernard King, c'était aussi dans une défaite face aux Nets. Je crois qu'un soir, c'était un soir de Noël, si je dis pas de bêtises. Carrément. Bref. Bon, ça, c'était entre guillemets le bon Julius. Ah. Parce qu'on a eu cette même semaine le mauvais Alors, Julius. il y a le bon Julius et le mauvais Julius. Le bon Alors, le bon Julius, Julius, il voit le panier ouvert et il tire. il marque des points. Il gueule après l'arbitre, mais c'est un bon Julius. Le mauvais Julius, il marque des points. Il gueule après l'arbitre, mais c'est un mauvais Julius. C'est ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu du mauvais Julius. Non, mais effectivement, donc là, sur tous les matchs de cette semaine, ce bon vieux Julius, il se prend une technique qui marque Ah 57 ouais. points ou pas. Parce que dans le match contre les Wolves, il Et se la prend 2 aussi, sa et technique. 3-0. Trois techniques. Voilà. Je sais pas au bout de combien de temps tu passes à la caisse au niveau de l'amende, mais ça lui coûte cher cette semaine. C'est pas au bout de 7, c'est pas au bout de 7 techniques, mais d'ailleurs, attends, mais il y a Il doit les ou avoir. 11, je crois que c'est pas 11 techniques, je sais plus, parce qu'à un moment donné, il va prendre un match de pénalité à un moment donné. C'est remis à zéro avant les playoffs, hein. Oui, Heureusement. avant les playoffs, mais là, il reste quand même quoi, 8 matchs, 7 matchs? Ouais, je sais pas, 7 matchs, il reste, j'avoue que je mais. ne joue plus en NBA depuis un moment et que ce règlement des techniques ne me concerne plus directement. Mais effectivement, il y a des amendes, il y a des matchs de suspension. Peut-être que le All-Star Break permet de remettre les compteurs à zéro, je sais pas, Ah, je sais peut-être, plus. ouais. En tout cas, jusqu'à présent, Julius, il a joué tous les matchs. Ouais, oui. Mais voilà, ça a fait forcément réagir sa réaction et son altercation avec indirect avec Emmanuel Quickley. Indirect. Forcément. Oh, direct, ouais, elle est directe, elle est directe. Direct. Il te le chope, hein, il veut lui faire un tête-tête, t'as l'impression qu'il veut le sortir sur le parking, quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu en n'importe as quoi. pensé? J'étais outré. Quand j'ai vu, en fait, je regarde l'image, bon, déjà, il va gueuler. L'équipe se met le cul par terre pour revenir. Je veux dire, on est mené durant toute la première mi-temps, on fait un deuxième dégueulasse, on arrive à revenir. L'équipe fait les efforts, on arrive à revenir. À la fin, on gère bien leur dernière possession, on les empêche de scorer, nickel. Là, ils vont remonter la balle, oui, d'accord, est-ce qu'il y a contact ou pas avec Franz Oui. Wagner, je sais pas. Mais bref, c'est bon, stop, hop, rentrez au vestiaire, soufflez, buvez un coup, ça va mieux. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va gueuler auprès de l'arbitre. Enfin, déjà, c'est bon quoi, stop, c'est terminé. L'arbitre n'a pas sifflé, t'as pas compris encore depuis toute la saison que jamais l'arbitre l'avait. Ah, Julius, ah, pardon, ah, pardon, excuse-moi. Ok, je reviens. Non, c'est jamais arrivé. Donc, si à un moment donné, c'est jamais arrivé sur toute la saison, c'est pas à ce moment-là que ça va revenir. Et puis là, donc, il gueule auprès de l'arbitre, forcément, il lui met une technique, IQ qui veut le tirer. Et puis là, ça ne nous plaît pas, monsieur, que... parce que forcément, ils se sont démenés comme des diables pour revenir. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il s'en prend à lui. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite tweeté en disant, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Julius? Il veut se battre avec les joueurs. Enfin, wow. Est-ce que c'est une vraie surprise? Non, mais surtout si tu veux, c'est que t'as Thibodeau qui avait dit, oui, quand Julius c'est comme ça, c'est un devoir de toute l'équipe de le contenir, des machins, de trucs. Et quand on le fait, en fait, je sais même pas si IQ a été soutenu par le coaching staff. Moi, j'ai juste vu Art. Il y a Johnny Bryant qui arrive. Oui, qui a essayé de canaliser Julius. Il y a Josh Hart qui s'interpose entre les deux aussi. Il s'est interposé. Moi, je l'ai plus vu main au-dessus de IQ, dans le camp de IQ. Genre, mode, Julius, merde, ferme un peu ta bouche, quoi. Et voilà, moi, je trouve que là, on retrouve là, sur ces dernières semaines, le Julius 2021-2022, c'est-à-dire le Julius trop de pression, le Julius cocotte minute, le Julius qui n'arrive pas à gérer ces moments-là. Et ça me fait assez peur. J'ai vu là récemment une émission avec donc la Nixon TV et voilà, exactement, et ils en faisaient référence avec Anne Begley. Et j'étais 100% de leur avis, et d'ailleurs, avec d'autres fans, on en avait parlé. Le talent de Julius, c'est pas à remettre en cause. Enfin, on l'a vu avec ses 57 points, on l'a vu sur toute la saison. Il est double All-Star. Enfin, je veux dire, son talent n'est pas à remettre en cause. Le mec est monstrueux. Mais là-dedans, c'est fragile. Ça pète trop facilement. Et que quand, en fait, on a des moments chauds, des moments difficiles, ou des moments, en fait, où il faut avoir une cohésion d'équipe, j'ai l'impression que là, d'un coup, ça va plus, ça suit plus, et il pète rapidement des plombs. Et dans des moments cruciaux qui sont peut-être à venir pour notre franchise, est-ce que clairement on peut faire confiance à Julius Randle dans ces moments-là, quand on va être sous pression, hyper sous pression, que quand en play-off on va jouer à l'extérieur et qu'on n'aura pas l'arbitrage pour nous, comme ça s'est passé à Miami là, sur le match de cette saison, comment il va réagir? Est-ce qu'il va lâcher l'équipe? Ça, je sais pas. Bon. Et je t'avouerai que on c'est verra. Les réponses, on va les avoir très vite, puisque de toute façon, ces échéances post-season vont arriver. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'effectivement, on tombe et a raison assez facilement sur Julius Randle par rapport à son comportement vis-à-vis de coéquipiers. Il y a une petite vidéo vintage sortie de Pat Ewing qui s'en prend aussi ouvertement et sans retenue à John Starks. Voilà, on connaît toute l'histoire de Starks, Ewing, c'est des potes, c'est des coéquipiers for life. Mais voilà, c'est ces histoires de tension, ah ouais, de joueurs qui veulent gagner, comme dirait Quickly. J'ai pas le souvenir de Patrick Ewing qui passe sa vie à gueuler sur les arbitres. Oh, il était sanguin, le Pat. Oui, d'accord, mais là, Julius, à chaque match, il prend une tête, quoi. C'est vrai, ces derniers temps, à chaque match. Après, voilà, en voulant entre guillemets faire son avocat, c'est vrai qu'il n'est pas aidé par l'arbitrage, puisque les coups, les contacts, il en prend régulièrement. Et parce qu'il est trop physique, tout simplement, eh ben, il n'a pas cette bienveillance de l'arbitrage. Ouais, mais je veux dire, tu as bien compris à un moment donné que les arbitres. Comme LeBron avant lui, comme Shaq avant lui, ils reviennent pas sur leurs décisions. Dominants physiquement. Ouais, mais ils ne reviennent pas sur leurs décisions, quoi. Moi, je veux bien que tu ailles gueuler sur les arbitres, mais déjà, il ne faut pas passer à un moment donné la petite barrière, tu vois, qui fait que, ben, à un moment donné, ben, tu prends une technique. Parce que si tu prends une technique, c'est pas juste en disant, ouais, mais regardez quand même là-bas. C'est qu'à un moment donné, peut-être que tu as utilisé des mots qui n'étaient peut-être pas convenables à ce moment précis. Et puis comme je te dis, durant toute la saison, tu as bien compris, ils connaissent les arbitres, ils connaissent leur caractère. Oui. Et ils savent très bien que ils parlent entre eux. Il siffle pas en disant « Ok, c'est bon, je reviens sur ma décision. Enfin, je veux bien qu'on mette un petit coup de pression pour essayer de rééquilibrer les arbitrages. » Mais le coach est là pour ça, en fait. Il est là pour ça. Je ne sais pas si c'est tant vouloir mettre un coup de pression. C'est plutôt le gars… Moi, je le vois comme ça. Il perd le contrôle, son self-control. Il marque un panier dans le trafic où ça… Il gueule après l'arbitre. Il marque pas de panier, il gueule après l'arbitre. Il y a un truc, il gueule après… Il passe son temps. Alors, aujourd'hui, on pleure. On est là critique Doncic en disant ouais, il pleure après l'arbitre. On a le même mais en plus costaud, hein. Il y a des joueurs comme ça, des joueurs caractériels. Bon, le Julius, on va pas le changer. On va quand même parler rapidement des trois matchs de cette semaine. Bon, premier match, réception des Minnesota Timberwolves. On l'a dit, un match improbable. Juju 57 points, ok, mais un Tayshaun, non pas Tayshaun Prince, Taurean Prince. Taurean Prince. Tayshaun, c'est l'ancien Pistons. Taurean Prince, 8 sur 8 à 3 points. Le mec, d'habitude, il en met un ou deux. Voilà, c'était improbable. Alors ça aussi, c'est une constante sur la semaine. On a quand même de nouveau des défauts sur la défense. Mauvais défense au périmètre. Ouais. Au périmètre, au large. Donc, ouais. Ça nous fait mal. Et voilà, là où on pensait un match facile, prenable, bah non. C'est bah justement, je crois qu'eux aussi, en fait, ils ont pris un peu d'eau, tu vois. Je pense qu'eux aussi, ils ont mis du temps à rentrer dans le match. Et c'est pour ça qu'en fait, on était dans un faux rythme. Dans la première mi-temps, c'est eux qui ont dicté en fait le rythme du match. Et nous, en fait, on réagissait plutôt qu'à être actifs. Et puis, on a eu une équipe qui n'a pas suivi. On a eu un Julius donc en fer de lance. Mais derrière, on a eu une équipe qui n'a pas suivi. On a eu un RJ catastrophique, un IQ catastrophique, un Grimes qui a essayé de survivre. Josh Hart, je l'ai trouvé moins tranchant en défense. Et disons que par moment, par certains moments, il a les ballons ouverts et il n'ose pas tirer. Bon, après, c'est son caractère, c'est plus un défensif qu'un offensif. Mais disons que, au point de vue de nos joueurs importants, on a eu un Julius, mais les autres n'ont pas été là, quoi. N'ont pas été au rendez-vous. Et bon, ben forcément, tu perds ce match que tu devais absolument gagner, surtout face à une équipe amputée de leurs deux meilleurs talents. On a un Gobert, mais qui a terrorisé mentalement notre offensive. Brunson, je ne l'ai pas reconnu. Il n'osait pas driver dans la raquette. Enfin, c'était fou, quoi. Pourtant, il a affronté tous les pivots de la ligue. Mais en fait, face à Rudy, il n'a pas fini une seule fois au cercle. À chaque fois, il pénétrait, mais ça finissait avec un petit fade away ou ça finissait avec une passe. Mais il n'osait pas y aller. Et en fait, c'est là, à ce moment-là, que tu t'aperçois en fait, que Rudy Gobert, on peut dire ce qu'on veut sur Rudy Gobert, mais n'empêche. Ah, des petits problèmes techniques. Hop. Des problèmes techniques, on s'excuse. Désolé, hein, conditions un peu exceptionnelles pour l'enregistrement, mais effectivement, Rudy Gobert qui a terrorisé. Ouais, et je disais juste qui a bloqué Mitch Robinson aussi. Que je rêve que Mitch Robinson ait le jeu de Rudy Gobert offensif, quoi. Parce qu'on se fout de la gueule de Gobert, mais n'empêche que c'est pas. C'est. Mitchell Robinson, je veux dire, il est à 5 milieux d'avoir son jeu au poste hein, ou d'avoir ses mains. Hein. Bon, on verra ce qu'il en est pour Mitch Robinson. Mais en tout cas, voilà, un match improbable, une défaite. Derrière, on va aller vite parce que, voilà, on va passer aussi à la suite. Et puis, cette semaine, elle est un petit peu difficile à digérer. Mais déplacement à Miami, bien aidé par l'arbitrage. Oh, honteux. Scandaleux. Il y a eu, même si l'arbitrage ça fait pas tout, clairement ça a pas aidé. Ah, mais une défaite coupé des. Qui est embêtante. Ça a coupé des momentum au Knicks. Je veux dire, que quand tu vois qu'on te siffle une faute offensive par Einstein, alors que je sais plus qui le prend à la gorge et lui qui descend. On va pas revenir sur toutes les fautes à la fin le marché, alors qu'on fait un beau pressing sur Butler. Il fait un marché, tu vois ses deux pieds qui rigolent. Mais ça siffle pas, la remise en jeu juste avant, normalement c'est 3 secondes, là ça passe les 5. Enfin bref, ce match a été scandaleux, on n'a pas bien joué, mais on a réussi quand même à tenir. Malgré ça, malgré le fait qu'ils jouaient à 8 contre 5, on est arrivé quand même à leur tenir la dragée haute. Malheureusement, on craque un peu sur la fin. C'était un match. C'était le match à gagner, on ne l'a pas gagné. Si encore on s'était dit, bon, on affrontait deux faibles équipes et une forte équipe, si ça fait 2-1 sur la semaine, c'est pas mal. Là, on était à 0-2. Heureusement que nos voisins Nets avaient la bonne idée de perdre. Donc on est resté à notre cinquième place. Mais disons que ce match à Miami était d'une tristesse, mais surtout moi, c'est. Je suis pas la personne qui va gueuler taper systématiquement sur l'arbitrage, jouer un peu. Ou qui va me cacher lorsqu'il y a une mauvaise performance des Knicks. Mais comme quand Siakam avait eu 40 lancers francs sur un match, Et là, enfin, Ça joue. même. Ouais, c'était scandaleux. C'était scandaleux. C'était scandaleux. Ce match était Et scandaleux. pour finir, c'était un back-to-back, donc peut-être que ça joue sur l'état de forme des joueurs. On n'avait plus non plus Jalen Brunson. Ce fameux match à Orlando où on court après le score, on revient et à la fin, pareil, le Magic qui va battre les Knicks. Ouais, un match. 0-3. C'est ça. Je t'avais dit que j'avais. Moi, c'était. Et Décidément, c'est compliqué cette émission, comme cette semaine. je t'avais dit que c'était Orlando le match qui me faisait le, entre guillemets, le plus peur parce que c'est une équipe comme à la Charlotte, une équipe qu'on allait prendre de haut. Ce qu'on a fait un peu, on a eu un très très bon grind. On a eu un bon IQ aussi. Mais encore une fois, RJ Barrett, cette semaine a été mauvais. Cette semaine, RJ a été très mauvais. On n'a pas pu compter sur lui. Après, bon, voilà, il y a eu les embrouilles entre Julius et IQ. Bon, ce sont des faits de match, ça arrive. Tu sais Voilà. quoi? Tu sais Mais. quoi? Cette semaine était très mauvaise. Moi, j'ai envie qu'on l'oublie. 0-3. Complètement à côté au niveau des pronostics. Bad mood partout. Oublions tout Mais ça. On heureusement, garde heureusement. ça sur la semaine Heureusement prochaine. que hier, nos amis Nets ont eu la bonne idée de taper Miami parce qu'ils seraient vraiment. Alors, que disais-je? La semaine dernière, on oublie totalement à côté des pronos. Moi, j'étais sur un 2-1, toi, tu étais sur un 3-0. C'est un 0-3. Heureusement que les adversaires directs des Knicks n'ont pas tout gagné. Des adversaires directs, on va en retrouver. On a une semaine de 4 matchs. C'est Ouais. l'avant-dernière semaine. Il y aura Et grosse encore une semaine, hein. petite semaine qui va venir derrière. D'ailleurs, restez à l'affût. J'ai ouï dire qu'il y avait une KNF Viewing Party pour la dernière journée de la saison régulière. Vous aurez le détail très très vite. Mais voilà, là, il reste 2 semaines. 6-7 matchs, je ne sais même plus. Je ne sais même plus où on en Sept. est. 7 matchs. 7 matchs. Donc 4-7-6, 3 après. 4 qui vont se dérouler de la sorte, à savoir 3 matchs à domicile et un match à l'extérieur. On commence par la réception des Houston Rockets dans la nuit de Ah. lundi à mardi. Eh, Oh normalement, mais. ça doit se Ouais, gagner, ça. stop. Et stop les Normalement. blagues. Hein. Stop les blagues. Attends, stop les blagues. Voilà, espérons que Jalen Brunson va pouvoir revenir, parce qu'il Ouais. faut quand même l'indiquer qu'il est touché au doigt. Voilà. Ouais, doigt poignet. Je sais plus. Bref, Enfin, à la poignet à main, la c'est main, pas la mais ouais. cheville. C'est pas la cheville qui a pu le gêner par d'autres occasions plus tôt dans la saison. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de load management lors de la sortie au Orlando Magic et on s'est dit, bon, ça doit C'est pas passer sans le. JB? Pour moi, c'est pas la philosophie de Thibodeau. Quand il peut faire jouer ses mecs, il les fait jouer. Oui, bien Quand il sûr. peut, et quand il peut leur faire jouer 40 minutes, il les fait jouer 40 minutes. Donc, Si c'est pas plus. non, moi, j'y crois pas à cette explication de load management. Non, moi, je crois plus que. Moi, je pense plus que c'est en train de. Son état de physique, là, avec tout ce qu'on lui a demandé, est peut-être en train de craquer un petit peu, quoi. C'est logique, c'est vrai, c'est humain. C'est un être humain, je veux dire, à un moment donné. Le mec, il enchaîne les performances. C'est normal qu'à un moment donné, ça commence à devenir un peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est au mauvais moment. J'espère que là, en plus, on n'a pas joué, voilà, on va pas jouer pendant 3 jours. Voilà, c'est peut-être. Ça a peut-être Repose-toi. du. Ce break, ça a peut-être fait un peu de bien, justement, pour tout le monde. Dans les têtes comme dans le corps. Même si on préfère avoir un break en terminant sur une victoire que sur des défaites. Mais voilà, en tout cas, on espère le retrouver. Alors, réception du Houston Rockets qui joue plus rien cette saison. Au contraire, eux, ils Non. ont plutôt intérêt à engager des défaites pour envisager un bon spot à la loterie dans quelques semaines. Les Knicks ont plutôt intérêt de se relancer. Oui, surtout que je pense qu'il Voilà. nous manque pas beaucoup, quoi, pour être Derrière, qualifié. oui, pour avoir une qualification, le clinch. mais voilà, en tout cas, derrière, réception du Miami Heat, quatrième acte de la saison. Dernier, pour l'instant, les Knicks, mais à part, ça a toujours été serré, ça a toujours été compliqué, les matchs entre ces deux Ça, c'est bien que franchises. les arbitres nous Pour rendent l'appareil, l'instant, quoi. Miami est derrière. Oui, alors est-ce qu'il faut juste compter sur l'arbitrage ou Non, retrouver un jeu défensif un peu plus. mais si on peut avoir un petit coup de main comme eux, comme eux l'ont bénéficié, moi je dis pas non. Voilà. Bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une des deux grosses affiches de la semaine. Oh, La deuxième, c'est le déplacement dans l'Ohio, côté Cleveland. Déplacement chez Donovan Mitchell et compagnie. À l'heure où on enregistre cette vidéo, sur le papier, la ils sont en future feu, hein. affiche du premier tour de playoff, et il Ah, ils se sont en déroule feu. pas trop mal, cette J'ai place. vu, j'ai vu leur première confrontation là, parce qu'ils ont joué deux fois Brooklyn. J'ai vu la première confrontation sur la semaine là, qui est passée contre Brooklyn. Fouah, Donovan Mitchell, il avait un niveau incroyable. Donc attention, Incroyable. voilà, ça sera un match qui peut-être n'aura pas d'incidence directe sur le classement final, mais qui peut faire office un petit peu de répétition vis-à-vis du premier tour. Donc est-ce qu'il y aura un peu de poker manqueteur, à savoir est-ce que tous les joueurs vont jouer ou pas, voilà, ça sera observé. On n'a pas le choix, nous. Peut-être eux, et encore, je crois que eux, ils sont peut-être en train de. Parce qu'il y a Philadelphie là qui a perdu, ils reviennent à deux matchs de Philadelphie. Donc, tu sais, pour eux, pour choper le top 3, ils sont pas loin. Hein. Ouais. À voir, à voir. En tout cas, ça sera une affiche forcément aussi attendue et scrutée. Et puis derrière, pour finir, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura droit à un retour au Garden et la réception des Washington Wizards. Donc voilà, quatre matchs cette semaine, des adversaires plus faibles, plus forts, beaucoup d'équipes de la conférence Est, 3, contre juste la réception des gars de l'Ouest, les petits jeunes des Rockets. Allez, lance-toi cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vois comme pronostic cette semaine? Ben alors, en plus, on joue deux équipes playoffables, ou en tout cas qui cherchent une qui cherche à l'être, et deux équipes qui sont hors play-in, parce que Washington, pour l'instant, est hors play-in, je crois que le trou est fait avec Chicago, donc je pense pas comme Indiana que ça va aller chercher le play-in. Un match important à gagner contre Houston. Houston voilà, qui cherche rien d'autre que faire des stats. Jalen Green et tous ses stats. Donc, moi, je vais peut-être te surprendre. Mais je reste optimiste. Alors, je dis pas le 4-0. Attention, calmons-nous. Hein, je dis pas le 4-0. Je dis un 3-1. Un 3-1. Je dis un 3-1. Je dis un 3-1. Dans le sens où là, bon, stop. Comme je dis, stop blague. Houston, faut les prendre, faut les taper. On est à la maison là. Stop. Maintenant, là, on se met à jouer. Et surtout que là, tous les joueurs ont commencé à dire non, non, maintenant, faut jouer, faut machin, tout ça. Alors, stop, stop aux blagues. Maintenant, faut honorer un peu ce blason là. Faut arrêter de faire n'importe quoi. Miami, on le prend. Ok. Miami, on le prend. Miami, on le prend Miami, on le prend à la maison. On tape du poing sur la table, on le prend à la maison. James va faire passer une petite baloche, les arbitres vont être dans le meilleur hôtel de la ville. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Mais tout ça pour dire que non, je pense qu'on va le. Ouais. Allez, je fais pas partie de la NBA, on peut pas me mettre 35 000 euros d'amende. De toute façon, je les ai pas. Donc, et puis après, donc Cleveland, bon, ça on le perd. Je pense que Cleveland, on le perd. Là-bas, ils ont un niveau de jeu de malade. Ouais. Déjà, si on prend pas une rouste, moi je serais content. Et puis le dernier match, Washington jusqu'à présent cette saison, on n'a pas eu de problème pour les jouer. Il faut qu'on le prenne, mais ça peut très bien finir à 2-2 cette histoire. Je veux être optimiste et optimiste pour tout le monde et dire voilà quoi. Mais 2-2, mais par contre, tu vois, j'ai l'intime conviction que Miami, on le prend. C'est ça qui est marrant, hein. C'est que j'ai Ok. l'intime. Tu vois, si je dirais 2-2, je dirais défaite Cleveland et Washington. Tu vois, c'est con, hein. Miami, ok, d'accord, ils ont été. Mais à chaque fois, on a eu des matchs accrochés contre eux ou avec des faits de jeu qui n'ont pas été en notre faveur, notamment le dernier. C'est une équipe qui a aussi quand même du mal à jouer un peu contre nous. Donc ouais, alors en effet, ils ont des types. Max Strus, là, le type, c'est Stéphane Curry sur la fin de saison, quoi. Le gars, pareil, il rate rien. Mais je pense que ce match, je sais pas, au Garden, je sens qu'on va le prendre. C'est bête, mais c'est Ok, cette ok. conviction. Donc je dis Ok, 3-1, c'est ton 3-1, pronostic. 3-1 D'accord. Knicks. On attaque la dernière semaine en étant fort sur les appuis. Genre, il ne nous manquera plus qu'une victoire pour être qualifié. Et puis, en plus, voilà quoi. Enfin, on verra ça, mais. Non, allez. au Lakers. 3-1. Ok, c'est ton pronostic, c'est enregistré, vous avez tout sur la c'est board. C'est mon ultime bafouille. Voilà. Moi, à mon tour, je vais lancer dans mon pronostic. Bon, c'est un poil moins optimiste. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est pessimiste? Je ne sais pas. Je me pose des questions parce que effectivement, après une belle dynamique, il y a eu de nouveau le retour de la place au doute. Est-ce que JB va revenir tout de suite ou pas? Bon, en tout cas, avec un peu de repos, le match face aux Rockets, ça doit passer. Attention, les Rockets, ça joue toujours un petit peu de façon décousue. Et c'est compliqué des fois d'arriver à installer son jeu face à une équipe qui a un jeu tout simplement désordonné. Mais voilà, ça doit passer. Et les Rockets n'ont pas intérêt non plus à emmagasiner des victoires maintenant. Donc il y aura peut-être des joueurs un peu sur la touche chez eux. Donc effectivement, moi je vois une victoire. Surtout que tous leurs concurrents au first pick ils perdent. Genre San Antonio s'enchaîne les défaites, Détroit s'enchaîne les défaites. Donc voilà. Ils n'ont vraiment pas intérêt à en prendre maintenant, clairement. Mais moi, je ne suis pas forcément confiant contre le Heat. Alors oui, le Heat, ils viennent de perdre de 29 points face aux Nets. Ils font une deuxième mi-temps horrible. Pour le coup, c'est horrible. Vraiment adversaire direct. Hein, entre 6 ils étaient devant à la mi-temps. Ils étaient devant à la mi-temps. Et alors ils se sont écroulés. Et derrière, ils ont pris une grosse valise, parce que 29 points, c'est pas rien. C'est la difficulté avec Miami. C'était l'équipe qui est capable de jouer dur et d'aller chercher des grosses victoires, comme de décevoir derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous donner face aux Knicks? Compliqué à dire, mais ils ont besoin de cette victoire de toute façon. Peut-être plus que New York. Mais j'ai peur que du coup, même si l'arbitrage sera peut-être pas au niveau catastrophique de ce qu'on a pu voir à Miami, j'ai peur que les Knicks n'arrivent pas à le chercher non plus et qu'on finisse avec un 2-2 contre eux cette saison et qu'on ait une défaite. Et puis derrière, contre les Cavs, je la sens pas non plus. Non, ça, celui-là, non. Je la sens pas non plus. Alors, ça se trouve, on va se tromper sur toute la ligne et finalement, on ira prendre la victoire contre les Cavs. Mais ça va être une sorte de répétition avant les playoffs. Alors, sauf si il y a poker menteur et que côté Cavs, je sais pas, Mitchell ou Garland est pas là. Et puis, bon. Bref. Le dernier match contre les Cavs, c'était les Knicks qui se sont imposés, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, il y a peut-être aussi désir de revanche de la part des Cavs. Et en plus, ils seront chez eux. Donc, ouais, j'ai peur que les deux défaites de la semaine, elles viennent du Miami et du Cleveland Cavaliers. Par contre, Washington, pareil, oui, ça doit se gagner. C'est retour à la maison, c'est fin de semaine. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir s'accrocher à des espoirs de play-in? Est-ce qu'ils ont intérêt, entre guillemets, à mini-tanker sur cette fin de saison? Pour moi, Pour moi, le play-in, entre guillemets, les équipes qui seront en play-in est faite, quoi. C'est-à-dire qu'on part de Chicago, Toronto, Atlanta, et puis après, à voir qui de Miami ou Brooklyn feront partie donc de ces quatre équipes, mais Washington et Indiana pendant longtemps ont été accrocheuses, pendant longtemps ont été dans ce wagon là, mais là ces derniers temps en fait ça a décroché. Ça commence à décrocher. Et le trou a été fait avec Chicago, je crois qu'il y a 2 ou 3 victoires maintenant d'avance, donc je évidemment peut-être qu'elles vont continuer à s'accrocher et aller chercher. Je crois que Washington a peut-être gagné un peu cette nuit, je sais plus, il faudra que je vérifie. Mais j'avoue, je suis un petit peu moins cette équipe. Hein. Mais sinon, non, c'est un match. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un match à aller chercher. Donc un 2-2, donc, alors. Pour moi, c'est un 2-2. J'espère me tromper. Mais de me tromper dans le bon sens, il y aura plus de victoires. 2-2, je prends aussi. Hein, je prends aussi. Tant qu'on n'est pas dans le négatif, la semaine, tant qu'on ne nous refait pas une semaine à 0-3, moi, je prends. Hein. Cette semaine, ce 0-4. La semaine qui vient de passer, dure, quoi. Parce qu'un 0-3. Tu vas rien chercher, quoi. Pourtant, il y avait deux équipes prenables. Dur, quoi. Ça, c'est pas une fois de professionnel, mais c'est vraiment une sortie de piste, quoi. J'espère qu'on ne paiera pas cette semaine-là. Non. Une fois qu'on arrive au printemps, lors des playoffs. Mais clairement, ça fait tâche. Ça ne permet pas de retrouver de la sérénité, de la confiance. Il y a eu cette histoire avec Julius IQ. On termine sur ça la semaine. C'est moche. Donc, c'est en ça où il va falloir relax, Visiblement, les joueurs visiblement, ce qui se racontait, c'est qu'après, bon, les joueurs ont discuté, ont checké, sont pris dans les bras et sont repartis à la guerre ensemble. Et en seconde mi-temps, ils ont joué ensemble, se sont fait des passes. Parce qu'il faut le dire, cet incident, il est arrivé juste avant la pause de la mi-temps. Donc, effectivement, l'ambiance devait être un poil tendue dans les vestiaires. Ça a dû gueuler, ils ont continué de jouer ensemble et voilà, il n'y a pas eu de scission à proprement parler. Quoi. Non. Donc, on espère que cette semaine, on garde un bon IQ, qu'on retrouve Jalen Brunson, comme ça, IQ, il apporte son équilibre en sortie de RG, quoi. Et RG, rejoue RG, punaise, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se cacher autant, c'est pas possible de faire des matchs à 10-12 points, RG. C'est tout le problème de RG Barrett. T'es payé comme un contender All-Star. Joue comme ça, je comprends que t'es pas d'adresse. Mais moi, ce qui m'effraie, je vais te dire une chose, moi, ce qui m'effraie avec RJ, c'est qu'il n'a aucun skills offensif, quoi. C'est qu'il a aucun move, il a aucun move au poste, il a aucun fadeaway. Il a son petit lay-up à 2 mètres. Il a son contact en l'air. Oui, ok, il absorbe, il a un body qui absorbe les contacts. Ou voilà, son petit spin move et qui va chercher donc les lay-up. Mais c'est tout ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, des petits pull-up à 4-5 mètres. Il n'en met pas. Je veux dire, il ne poste personne, il n'arrive pas à poster. Enfin, RG, moi, il m'inquiète parce que niveau offensif, il a aucun move, quoi. En tout cas, ce n'est pas maintenant, que ça va se développer, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça fait 4 ans qu'il n'a rien développé là-dessus, quoi. Tabernacle. Ben ouais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, RG, c'est quand même un jeune joueur, numéro 3 draft. On a mis un sur lui cet été, pas non plus le perdre pour rien, et puis il fallait aussi le conforter. Mais force est de constater tout de même que offensivement, ouais, il marque ses 20 points, mais offensivement, c'est pauvre, quoi. C'est dans ce qu'il peut apporter en termes de move, quoi. Il n'y a pas grand chose, moi. Enfin, quand moi, on me parle, ouais, moi, ça serait un Jimmy Butler, mais punaise, vous regardez Jimmy Butler jouer! Vous le regardez jouer, vous voyez un petit peu le monde qu'il y a, quoi, entre lui et RJ Barrett, quoi. C'est même pas un monde, c'est une galaxie. T'as décidé de sortir un gros dossier pour la fin de l'émission. Ouais, non, mais RJ, si tu veux, ouais, c'est que ça me fait de la peine parce que je sens que c'est quand même un jeune garçon qui en veut. Je sens que c'est quand même un jeune garçon qui est sympathique et qui travaille. C'est pas du tout ce que je remets en question. Mais moi, je me demande en fait, parce que tu sais, on dit souvent, ouais, le prime des joueurs. Attention, les joueurs... Il en est encore loin. Oui, mais les joueurs sont les êtres humains, on le rappelle. Chaque joueur n'a pas forcément son prime au même moment. C'est pas calibré. C'est pas, boum, boum, j'arrive aux 26 ans, boum, ça y est, je suis au top. Non, ça marche pas comme ça. C'est chaque joueur est différent. Il y en a qui vont avoir des primes avant, il y en a qui vont avoir des primes après. C'est pour ça aussi qu'il y a des carrières longues. Il y en a qui n'en ont jamais. Il y en a qui sont tout le temps dans leur prime. Et un LeBron, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que RJ Barrett, attention, parce que moi, ça m'inquiète beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas d'évolution dans son jeu. Son shoot à 3, c'est ça va, ça vient. Son jeu au poste est inexistant, je le rappelle. Je veux dire, tu l'as déjà vu faire un petit poste et puis hop, fade away. Jamais, moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, moi, faire ça. Enfin... je sais pas, moi il m'inquiète beaucoup ce garçon et voilà, donc attention RJ, on a besoin de toi, même si écoute, on te demande pas de devenir Jimmy Butler, mais n'empêche que tes 20 points par match, ça fait du bien, donc fais-les, apporte-nous-les parce qu'on en a là sur cette semaine, on en a besoin, on n'a pas besoin de 10-12 points, quoi, on a besoin que tu... Surtout quand Jalen Brunson n'est pas là, il y a un peu besoin d'apport au scoring et... On aura le temps d'ouvrir ce dossier RJ Barrett. On aura le temps de parler de ce qu'on attend de lui pour la saison prochaine ou pas, de cet été. Cet été, je l'attends de pied ferme. Alors, pas que pour les Knicks. Chaque chose en son temps. Non, mais pas que pour les Knicks, si je peux juste faire une petite digression là-dessus. Cet été, outre nous, il va falloir qu'on voit pour se renforcer, pour passer à un stade au-dessus, donc à voir comment est-ce que Léon Rose va... Oui, non, mais si on peut en discuter, je suis d'accord, chaque chose en son temps, mais si on faut en discuter. On fait pas de la fanfiction, mais si on peut en discuter. Mais voir comment est-ce qu'il en nous propose à 5-4. Il y a des équipes à l'ouest aussi qui, comme Sacramento, va vouloir peut-être passer un cap aussi. Il y a des équipes à l'ouest qui vont peut-être éclater. Les Clippers, qu'est-ce que ça va devenir? À l'est, on va avoir des équipes Chicago, c'est horrible, donc ça va peut-être exploser. Toronto, Philadelphie, avec Harden qui dit qu'il veut retourner, enfin qui dit, il se murmure qu'il voulait repartir à Houston, donc à voir Philadelphie ce que ça devient. Enfin bref, il y a tout un tas d'équipes là qui vont subir une révolution, ou en tout cas un changement cet été. Donc déjà, ne ratez pas, je pense, la soirée de la draft. Il risque d'y avoir des moves durant cette soirée. C'est possible. Je pense, ça va être sympa. Et puis, je pense que la free agency, ça va être feu d'artifice. Il va y avoir des équipes qui vont appuyer sur le bouton rouge, on va faire ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc moi cet été, ok, d'accord, oui, on en est encore loin, mais je pense qu'on va peut-être vivre un été assez exceptionnel. En tout cas, de mon œuvre à la vie. Mais voilà, moi j'aime bien les petites intersaisons, voir comment ça se passe, c'est toujours sympa. Donc voilà. Mais évidemment, je suis d'accord, chaque chose en son temps. Il nous reste 7 matchs. Allons chercher cette place en playoff. Allons chercher cette cinquième place qui fera fermer. Non, même pas, même pas. Ça ne fait même pas fermer des bouches. Parce que finalement, en fait, les haters des Knicks et de Thibodeau sont toujours là, quoi qu'il arrive. Ils sont Le toujours mec. là. Voilà, Thibodeau, quoi qu'il arrive, c'est un imposteur. Le mec, il va te chercher une cinquième place, deuxième saison positive. Mais le team, c'est un imposteur. Donc je ne sais pas en fait ce qu'il faut à ces gens-là. Enfin, Julius NBA. Randle, Julius Randle, c'est un imposteur. Le type, il est double star, il est de portée qui, ok, on sait, il a un caractère, ok, dans la tête, c'est pas facile, mais c'est un imposteur. De toute façon, tu pourrais dire quoi qu'il arrive, tu pourrais dire n'importe quoi, de toute façon, on serait premier de l'Est. Les mecs diraient encore que Thibodeau, c'est un enfoiré, et que, enfin, bref. Donc, Et que les joueurs vont arriver cramés. voilà. Parce qu'on est les seuls, parce qu'on est les seuls en fait à faire une rotation à neuf. Là là. Mais regardez les autres équipes, les gars. Enfin, je sais pas. Regardez les autres matchs. Hein. Le Magic, sur leur victoire, ils jouent à 9. Ben... Donc, Ou 8 même, je crois. Enfin bon, bref. Non, c'est mais pas, effectivement, c'est pas une chaque chose en son exclusivité, hein. temps, il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des projections, il y a déjà des gens qui se projettent sur la saison prochaine. Oui, bien sûr, il y aura besoin de renforcer l'équipe, comme à chaque saison, de toute façon. Bien sûr. On va déjà terminer cette régulière. On va attaquer des playoffs. À voir pour être compétitif en playoff, l'état de forme des joueurs. Il peut se passer beaucoup de choses, en bon ou en moins bon. Bien sûr, Julius Randle, il va avoir la pression sur ses playoffs. Bien sûr, Jalen Brunson, on l'attend. RJ Barrett aussi. RJ Barrett, il aura Fais l'occasion attention parce aussi que là de aussi, montrer toi des aussi, hein. choses Toi avec aussi, l'équipe step by nationale au step, hein. Canada. Toi aussi, un step by step parce que t'as dit, il aura des choses à montrer pendant ses playoffs. On n'y est pas, Bah, si. 98,7% Oh, c'est d'être tombé, on était à qualifié. 99 la semaine dernière. Ouais, parce qu'on perd des matchs en ce moment. Bref, ouais, je vous spoil, il y aura des playoffs. Ah, ça Donc c'est voilà, sûr, donc il y les aura des joueurs vont playoffs. être attendus. Est-ce qu'il y aura des playoffs avec nous? Mais oui, quoi? J'aurai des playoffs quoi qu'il Ouais, arrive, tu avec sais. ou sans les Knicks. Ouais, moi je pense aussi, je pense que cette victoire contre Miami, les Nets, ça a été vraiment dos au mur. Il fallait absolument qu'ils aillent chercher cette victoire. Donc, il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils ont quand même une équipe qui est sympathique, hein. On parle pas des Houston Rockets, ça. Hein. Donc, Brooklyn a quand même une belle équipe. Il fallait qu'ils aillent chercher cette victoire. Ils sont allés la chercher. Je pense néanmoins toujours que ils étaient sur 4 ou 5 défaites consécutives. 4 défaites consécutives, ouais. Ouais, ça Je termine. pense toujours que ça va glisser. Je pense toujours que ça va glisser, que ça va tomber dans le S'accroche, clean. s'accroche. Je pense que Miami va quand même finir par leur ravir cette place en playoff. Moi, je suis de moins en moins certain de cette cinquième place. Alors peut-être qu'en effet, comme toi, je vais me dire, on va aller en playoff. Mais je suis de moins en moins certain de cette cinquième place. J'ai peur que quand même Miami fasse un push en fin de saison et qu'il grappille ses dernières victoires. Surtout qu'on a montré, nous, qu'on pouvait faire des faux pas. Ils en ont fait à Miami. C'est pour ça que cette victoire cette semaine est primordiale. Mais j'ai tout de même peur que sur le finish, on se retrouve sixième et eux cinquième. Bon, en soi. On se qualifie directement pour les playoffs. Choper Cleveland, choper Philadelphie. Franchement, tu veux la peste ou le choléra? Ouais, faut que Boston dégringole aussi. Mais moi, je les vois pas dégringoler, je les vois rester en deuxième position. Donc, enfin, Philadelphie, Cleveland, clairement, moi, quand j'entends, oui, bon, ils comprennent Cleveland, mais avec Cleveland, moi, je les ai vus jouer, ils ont du banc, ils ont de la force offensive, ça peut venir de toutes Il faut parts. pas les Et, sous-estimer, enfin, ils ont très des... clairement. Non, Très clairement. non, donc franchement, qu'on finisse cinquième ou sixième, pour moi, c'est du pareil au même. Je veux juste, c'est qu'on soit qualifié directement pour les playoffs et qu'on ait nos chances contre une équipe qui, elle, sera ben, forcément bien meilleure que nous. Mais pour moi, qu'on finisse cinquième ou sixième, c'est pareil. Cleveland, Philadelphie, pour moi, c'est pareil. Je ne vois pas de différence entre ces deux équipes. Elles sont très fortes, les deux. Les deux ont de très beaux atouts. Donc voilà quoi. Moi, voilà, cinquième ou sixième. Évidemment, cinquième pour le pas. Pour le palmarès. Oui, on va pas On va s'inviter. défiler sur la scène. Proche. Voilà. Bon, on n'a pas de prime hein, parce qu'on finit cinquième. Non. Donc, non, on n'a pas de titre, je t'ai dit. Hein, on va pas défiler avec le bus impérial sur la cinquième avenue. Félicitations, vous êtes cinquième à l'Est. Bravo. Non. Pas encore, pas Donc, encore, pas encore. pour moi, c'est du pareil au même. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi en disant ouais non mais Cleveland c'est mais non Cleveland c'est fort Cleveland c'est très fort je veux dire avec Jarrett Allen, Evan Mobley, Oh oui, Garland, Donovan Audio. Mitchell voilà c'est quand même Caris LeVert sur le banc enfin, c'est quand même très fort c'est quand même très fort ils ont beaucoup d'atouts voilà donc on finit cinquième on finit sixième pour moi c'est pareil ce que je veux c'est les playoffs voilà on se qualifie directement en playoffs et là je dis bravo saison réussie félicitations. Et bien, tout ça, on en parle la semaine prochaine. On en saura plus. On en saura plus, on va savoir si c'est 5, 6 ou 7. Hein. En tout cas, on vous Oh. remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Techniquement, elle était un peu compliquée pour nous pour enregistrer. On va essayer de retrouver le setup habituel Non, et mais. puis de retrouver de meilleures conditions. Désolé pour les petits problèmes techniques lors de l'enregistrement. Et encore une pensée, une fois pour Willis Reed, à qui on dédie cette émission, une légende d'Enix. Les Knicks sont légendaires. C'est une franchise qui compte en NBA, malgré ce que peuvent dire tous les détracteurs d'Enix. Et on sera encore là la semaine prochaine pour vous parler de cette belle franchise, championne, double championne NBA. Avec des joueurs légendaires, des actions légendaires, une fanbase légendaire, une salle légendaire. We here, we bing bong, we ce que vous voulez. On sera là lundi prochain pour vous parler en tant que femme, avec juste une vision de femme, d'observateur depuis votre hexagone, de Ah, la mais ça doit capitale être du jeu. objectif quand même. On essaye, on essaye. Bon, on n'est pas parfait. Comme Julius, on n'est pas parfait. D'ici là, portez-vous bien et. À venir ce week. Ciao, ciao! À très bientôt. Bonne semaine à tous et à toutes. Salut à tous! Ciao, ciao!